quelqu'un qui pourrait m'aider. Toc toc toc, ouvrez-moi, ou le malheur me tuera. Et la rancœur mille fois l'emportera. Et la rancœur que tu es, tu me feras toujours marrer. Ha, ha, ha. Mon pauvre cœur tranché, oui, elle sait bien jouer de ton tendre, ton moelleux et de ta fragilité. Mais plus jamais elle ne t'aura. Ça y est, tu t'es retranché jusqu'au prochain assaut. Écœuré, mon cœur, tu l'es bien. Aurais-tu mal, ne serais-tu pas bien? Écœuré, mon cœur, tu l'es bien. Aurais-tu mal, ne serais-tu pas bien? Maman, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, maman, maman. Ah, tu bats, tu te retournes et tu bats. Toc, toc, toc, pour revenir, tu ne t'en relèveras pas. De l'opération à cœur ouvert qu'elle a opéré sur toi. Et les grands coups de scalpel. Mon cœur, mon compagnon, si seulement j'avais le droit de te laisser souffrir en paix et de continuer sans toi. Mais du coup j'aurai tort, car si tu meurs, je suis mort. Tu es mon grand trésor. Allons, pleurons encore, encore, encore. Écœuré, mon cœur, tu l'es bien. Aurais-tu mal, ne serais-tu pas bien? Écœuré, mon cœur, tu l'es bien. Aurais-tu mal, ne serais-tu pas bien? Maman, j'ai mal au cœur, maman, maman.